Comment dit-on sortir? Salir. Salir. Salir. Salir. Oui. Salir veut dire sortir, mais peut aussi vouloir dire partir. Et à quelle heure est-ce que vous, usted, sortez? À quelle heure? À qué hora? Bien. À qué hora est-ce que vous sortez? Salé. Salé. Bien, mais accentuez un peu plus nettement. Salé. Salé, d'accord. Alors, à quelle heure est-ce que vous sortez? À qué hora? Encore une fois. À qué hora? À qué hora? À qué hora salé? Salé. Hein? Dites-le une autre fois. À qué hora salé? D'accord. À qué hora salé? À quelle heure est-ce que vous sortez?